Il fallait bien que Glenarvan reconnût son impuissance à poursuivre cette œuvre de dévouement. Mary Grant, dans cette situation, eut le courage de ne plus prononcer le nom de son père. La première, elle parla du retour en Écosse. « Vous avez raison, Miss Mary, » dit John Mangle. « Il le faut, mais ne renoncez pas à tout espoir. Je retrouverai le capitaine Grant ou je succomberai à la tâche. » Pendant cette journée, le départ fut décidé définitivement. On résolut de gagner Melbourne sans retard. Le lendemain, John alla s'enquérir des navires en partance. Mais aucun, à destination de Melbourne ni de Sydney, ni de Pointe de Galles. Glenarvan allait se décider à gagner Sydney par les routes de la côte lorsque Paganel fit une proposition à laquelle personne ne s'attendait. Des trois navires mouillés en rade de Twofold, l'un se préparait à partir pour Auckland, la capitale d'Ikanaan Maui, l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Or Paganel proposa de fréter le bâtiment en question et de gagner Auckland, d'où il serait facile de retourner en Europe par les bateaux de la compagnie péninsulaire. La traversée ne durait pas plus de 5 ou 6 jours. Par une coïncidence singulière, Auckland se trouvait situé précisément sur cette ligne du 37e parallèle que les chercheurs suivaient obstinément depuis la côte de l'Araucanie. Cependant, Paganel ne voulait sans doute pas hasarder une troisième interprétation du document. John Mangle appuya la proposition de Paganel. Mais avant de passer route, il jugea convenable de visiter le bâtiment signalé par le géographe. C'était un brick de 250 tonneaux nommé le Macquarie. Malgré la grossièreté de Will Halley, le capitaine de ce brick, les 9 passagers sont attendus pour le lendemain avant midi.